colère et ennui où l'on ne sait plus que faire si ce n'est croiser le fer très fatal, parti pris étrange, état d'esprit qui nous fait sourire au ciel et frapper les murs. J'écris une page de l'histoire qu'il faudra vite trafiquer car les enfants doivent savoir qui sont ceux qu'il faut blâmer. Mais tout renaît du chaos si tu renais, c'est aussi ça nous fait sourire au ciel et frapper les murs. Demain je détruis le monde si tu sombres avec lui. Demain je creuse ta tombe et je nous y enfouis. Je lance mes bombes, tu le feras aussi. Demain je détruis le monde car tu tombes avec lui. Il faut trouver le pourquoi triste casus belli. La goutte d'eau qui fera verser une toute autre pluie. Viens alors un prétexte, une photo, plan ou texte qui nous fait sourire au ciel et frapper les murs et le bruit dans les airs. Sur le sol ces pierres, ces débris de verre. Sur le sol ce sang, les cris de nos mères, ces poignées de terre. Sourire au ciel, frapper les murs. Demain je détruis le monde si tu sombres avec lui. Demain je creuse ta tombe et je nous y enfouis. Je lance mes bombes, tu le feras aussi. Demain je détruis le monde car tu tombes avec lui. Mes bombes, tu le feras.